franceinter.fr. Aujourd'hui, dans Affaires sensibles, la lutte contre le projet de loi dit égalité des chances, qui incluait un nouveau contrat, le CPE, destiné spécifiquement aux jeunes de moins de 26 ans et qui pouvait, sans motif, pendant 2 ans, être rompu. Le CPE, c'est le souvenir qu'on évite d'aborder au sein des ministères et des cabinets. Car en quelques semaines, le projet du Premier ministre Dominique de Villepin réussit l'exploit de mettre dans la rue les lycéens, les étudiants, les profs, les parents et les salariés, carton plein. Dès l'annonce, les syndicats de salariés et les étudiants retrouvent une unité qu'on pensait oubliée. Puis, c'est dans les facs et les lycées que la mobilisation est la plus forte et prend des formes diverses. À coups d'assemblée générale enfiévrée, le mouvement de contestation s'amplifie, les cortèges grossissent et les journées d'action ou de sensibilisation s'enchaînent. Après 3 mois de lutte, le Premier ministre devra rendre les armes. Il y a 10 ans, dans les rangs des manifestants, François Hollande et pas mal de ses ministres d'aujourd'hui étaient dans la rue à battre le pavé contre ce contrat qui, selon eux, démantelait le code du travail. Aujourd'hui, c'est contre l'une de ces réformes que la rue gronde, saisissante résonance. Pour en parler, pour parler de cette affaire en 2 temps, ces 2 mobilisations, nous recevrons Bruno Julliard, ancien président de l'UNEF. Il fut l'un des leaders du combat contre le CPE. Il est aujourd'hui le premier adjoint à la mairie de Paris et adjoint à la culture. En février dernier, il a été l'un des signataires de la tribune de Martine Aubry intitulée « Sortir de l'impasse, charge à la cavalerie lourde contre la politique du gouvernement actuel ». Vous entendrez également un reportage d'Annel Verzo qui est allé à la rencontre des manifestants contre le projet de loi travail au cœur d'une AG à l'université Paris 7 de Jussieu et lors d'une manifestation à Paris les 16 et 17 mars dernier. Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée par Jean Bulot avec l'appui des documentalistes de Radio France. Attaché de production, Elisa Mar et Lucille Valérie. Programmation musicale, Muriel Pérez. Coordination, Christophe Barrère. Réalisation, Fabrice Lègle. À la technique aujourd'hui, Grégory Wallon. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Depuis 40 ans, chaque Premier ministre ou Président décide de partir en guerre contre le chômage. Avec la sécurité, il en fait son thème de campagne prioritaire et quand il arrive au pouvoir, il fait comme ses prédécesseurs, il échoue. Pour Dominique de Villepin, cette bataille est lancée devant micro et journalistes le 16 janvier 2006. 2 mois après les émeutes de banlieue qui pendant plusieurs semaines ont mis en lumière les fractures et l'abandon de territoires entiers, le gouvernement propose un nouveau plan pour lutter contre ces inégalités autour d'un projet de loi baptisé « Pour l'égalité des chances ». Habilement dispersé dans la presse depuis plusieurs jours, la plupart des mesures annoncées sont connues. Mais une seule prend journalistes et partenaires sociaux de vitesse. L'instauration du contrat première embauche, acronyme qui deviendra célèbre très vite, CPE. Le contrat du Premier ministre, c'est que le chômage est dû notamment à un problème juridique, à savoir les contraintes du Code du travail qui pèsent sur les entreprises qui ont besoin de liberté, de respiration, à l'image du marché. Voici ainsi résumé la pensée libérale, propre à la droite jadis, adoptée par la gauche aujourd'hui. En 2006, le CPE vise à donner de la souplesse aux employeurs qui engageront des jeunes. Calqué sur le CNE, contrat nouvelle embauche, instauré par ordonnance en août 2005 pour les entreprises de moins de 20 salariés, le CPE est un contrat à durée indéterminée pour les moins de 26 ans, avec une période d'essai de 2 ans, pendant laquelle l'employeur peut se séparer de sa jeune recrue sans motif. Dès cette annonce, des voix s'élèvent. Politiques, intellectuels, économistes pointent les limites de cette mesure et l'augmentation de la précarité qu'elle instaurerait. Pendant plusieurs jours, au sein des syndicats et des cabinets, c'est la veillée d'armes. Chacun réfléchit à la meilleure stratégie. Le Premier ministre prend les devants. Le 23 janvier, il annonce l'avancée des calendriers législatifs et utilise la procédure d'urgence parlementaire qui limite le parcours de la loi à 1 lecture du projet par chambre. Le lendemain, une partie des syndicats de travailleurs et de jeunes se rencontrent, discutent, envisagent les échéances à venir. Ensemble, ils se rassemblent autour d'un seul mot d'ordre, le retrait du CPE. Ils annoncent une première date de mobilisation unitaire pour le 7 février. Les syndicats étudiants et les lycéens ont besoin de temps pour mobiliser et expliquer les conséquences immédiates et futures du projet de loi. Une autre difficulté est présente, celle des vacances. Dans les facultés, quand l'annonce du CPE tombe, les étudiants ont encore le nez dans les livres et dans les copies des partiels du premier semestre. Puis, c'est la période des vacances qui débute. Il faut donc attendre le retour des étudiants de chaque zone pour évaluer l'écho de la mobilisation. En attendant, le Premier ministre garde l'avantage. Le 31 janvier, alors que les débats débutent à l'Assemblée, Dominique de Villepin est invité aux 20h de France 2, où il explique son CPE. Dans ce contrat, pendant 2 ans, l'employé, le jeune Français, construira ses droits. C'est-à-dire qu'à mesure du temps qu'il passera dans l'entreprise, chaque mois, il aura davantage de droits. Une indemnité qui ira en s'accroissant, un préavis qui s'accroîtra, un droit individuel à la formation. Et la question a été posée par un des jeunes. Est-ce que ce contrat me permettra d'avoir mieux accès au crédit ? Est-ce qu'il me permettra d'avoir un logement ? Eh bien, oui. Si les manifestants sont très nombreux le 7 février, vous les écouterez, vous modifierez le projet ? Vous savez, la politique, ce sont souvent des échanges polémiques et idéologiques. Si nous partons tous du constat de la situation actuelle, je n'ai aucun doute sur le fait que l'ensemble de nos compatriotes comprendront que ce que nous proposons, c'est un progrès pour la société française tout entière. Et c'est un progrès pour l'ensemble des jeunes Français. Effectivement, cette génération de jeunes vit moins bien que celle de ses parents. La sortie du lycée et des études secondaires est un chemin sinueux, avec quelques impasses pour une partie de la population qui obtient difficilement un logement, un emploi ou des prêts bancaires. Pour remédier à cela, le gouvernement propose d'institutionnaliser ce statut précaire avec ce nouveau contrat qui promet d'accéder à ses droits après 2 années d'essai. Alors, le CPE, mieux que rien ou pire que tout ? Voilà la question qui va diviser et rassembler une partie de notre pays dans la rue. Ça va et vous ? Très bien. Comment ça va ? Ça va bien. 2 février 2006. Depuis 2 semaines, le Premier ministre est en campagne pour faire la promotion de son CPE. Ce jour-là, il est à Troyes. Son déplacement est minutieusement organisé, mais on n'est jamais à l'abri d'une rencontre. Dominique de Villepin passe dans une agence ANPE, discute, prend la pause devant les appareils photo, tout va bien. Puis il se promène dans la ville, tout va bien encore, salue ses concitoyens et fait une halte au Forum de l'Emploi. C'est là qu'il tombe sur Maude, une jeune militante socialiste qui l'interpelle sur son contrat. Comment on peut trouver un logement avec un CPE ? Eh bien, le CPE... Vous pensez vraiment qu'il y a un seul propriétaire qui va nous passer un logement grâce à ça ? Pourquoi ? Est-ce que vous connaissez le système ? Comment les entreprises vont faire ? Elles vont préférer un jeune qui va avoir 24 ans, un jeune qui va avoir 27 ans. Et ce jeune-là, quand il aura 26 ans, on n'en voudra plus dans l'entreprise. Est-ce que vous connaissez le système Locapass ? Personne n'a voulu me donner un logement avec le système Locapass. À votre âge, si on met... partez de la réalité et non pas de l'idéologie. Au sein des syndicats et des partis, la lutte contre le CPE est désormais l'objectif numéro 1. Le temps presse, car à l'Assemblée nationale, les articles sont débattus un par un. Dans la nuit du 2 au 3 février, une majorité de députés approuve par exemple la mise en place d'un système d'apprentissage à partir de 14 ans, malgré les critiques de certains d'entre eux qui pointent la fin de l'enseignement obligatoire jusqu'à 16 ans. L'absence de garantie d'un retour dans la scolarité également, et des dispositions particulières, notamment pour ce qui concerne le travail de nuit. La loi suit son chemin, tout comme le ministre qui arpente les plateaux de télévision et de radio sur de lui. Le 7 février, une première manifestation rassemble près de 400 000 personnes dans toute la France. En tête de cortège, les leaders des différents syndicats paradent. On reconnaît Bernard Thibault pour la CGT, Jean-Claude Mailly pour FO et de nouveau Bruno Julliard, président des syndicats étudiants UNEF, et Karl Stockler, représentant lycéen de l'UNL. Dans les facs et lycées, la mobilisation s'amorce, elle aussi. Depuis plusieurs jours, dans les zones de retour de vacances, à la sortie des lycées et des facs, on discute, on distribue des tracts et on annonce des réunions d'information. Et le 8 février, une première faculté, Rennes 2, se met en grève et vote le blocage. Le même jour, pendant la nuit, les députés de l'Assemblée nationale votent l'amendement gouvernemental qui crée le CPE. Le lendemain, après 43 heures de débat et 4 heures de suspension de séance, le Premier ministre décide de couper court à la discussion. Au micro de l'Assemblée, il déclare. Face au chômage des jeunes, notre pays s'impatiente. Malheureusement, depuis ce matin, la discussion n'avance plus. En application de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution, j'ai l'honneur, Monsieur le Président, d'engager la responsabilité du gouvernement sur le vote de l'ensemble du projet de loi pour l'égalité des chances. Je vous remercie. Le 49-3, c'est l'une des armes que la Constitution met au service de l'exécutif pour accélérer le vote des lois et éviter que les débats au sein des chambres ne s'éternisent. Par ce biais, la loi dite de l'égalité des chances est considérée comme adoptée par l'Assemblée. Elle part alors en discussion au Sénat et ailleurs, autrement dit, sur les bancs des facs et dans les cours de lycée. Après les tracts, ce sont l'heure de l'amphi et de la prochaine AG qu'on communique dans les couloirs. Au début, ce sont les élus syndicaux, anciens délégués de classe, qui prennent la parole, qui expliquent les grandes lignes du projet, les risques et les dangers qu'il représente pour l'avenir. Pour les autres, pour beaucoup, c'est une première. Alors, ils s'installent entre copains, regardent de loin, puis se lancent et prennent aussi la parole. Pour eux, la précarité n'est pas un chiffre, une statistique, une donnée. Non, elle est une réalité avec laquelle ils essaient d'organiser leur vie, jonglant avec les horaires des trains, métro et RER, cherchant un peu de stabilité entre les cours, le travail, les amis. Chaque jour, beaucoup passent à la bibliothèque, à une cuisine de fast-food, d'un partiel à la caisse de supermarché, d'une soirée arrosée, un petit matin dans les bureaux vides à faire le ménage. Certes, ils sont en majorité plus diplômés que leurs parents, mais un bon nombre d'entre eux sont dans l'incapacité de maintenir la position sociale dont ils ont hérité. Quand ils sortent de l'école, ils sont de moins en moins titulaires de contrats stables et de plus en plus nombreux à obtenir des contrats précaires. Ce sont ces villas ballottées dont on entend souvent l'écho dans les amphis qui s'expriment, comme lors de cet AG à Nantes. Extrait des documentaires Grève Générale de Mathieu Châtelier et Daniela De Felice. La misère, qu'est-ce qu'on oppose à ça? Ben le droit à la dignité, quoi, de vivre décemment. Alors aussi, la période d'essai de 2 ans. Mais si vous travaillez bien, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Non, mais faut arrêter de dire n'importe quoi. C'est les bases de l'économie. Que si l'entreprise, au bout d'un moment, elle a besoin de diminuer le coût de la masse salariale, eh ben elle virera quelques salariés. Si elle a besoin de produire plus, elle en embauchera, elle en revirera. C'est pas du tout la question de si on travaille bien ou pas. J'ai passé un an au chômage, j'ai trouvé du boulot en février, j'ai bossé de février à mai, vous savez où j'ai bossé? Télémarketing en Espagne, super le travail, t'as pas de commission, t'es payé qu'à la commission, t'as pas de salaire fixe, t'es exploité comme une merde. Et ça peut vous arriver très vite, si on lutte pas contre les contrats précaires, vous allez voir dans 10 ans, c'est l'Angleterre du Thatcher qui vous attend. Petit à petit, les facs basculent les unes après les autres. Villetaneuse, Toulouse, Le Mirail, Paris, un Panthéon-Sorbonne, Bordeaux 3. Toutes votent la grève et le blocage total, ou filtrant. Le 23 février, ils sont des milliers à manifester dans les grandes villes de France contre le CPE et la loi dite de l'égalité des chances. Chaque matin, les étudiants et lycéens grévistes se rassemblent, bloquent, discutent, débattent et structurent la lutte au niveau local au sein des comités de mobilisation. Il y a ceux qui s'occupent de gérer la caisse de grève, le budget pour l'alimentation ou l'achat de matériel. Et puis il y a les stratèges du coup d'éclat qui imaginent les chemins et les lieux des prochaines actions de tractage dans une gare, un lieu symbolique, pendant un événement. D'autres encore, par la lecture matinale des journaux et l'écoute de reportages, déchiffrent les humeurs du pays. Balbutiante et fragile, la lutte désormais s'intensifie jour après jour. En quelques semaines, le vent de l'opinion a changé de sens. Soutenu d'abord, le projet du gouvernement interroge et inquiète désormais une partie de la population. À côté de la scène médiatique que se partagent les représentants syndicaux, les politiques et le gouvernement, la toile devient également un lieu de bataille. Dès le début de la mobilisation, pro et anti-CPE investissent le net avec des pétitions et des argumentaires pour lutter contre tel ou tel raisonnement de l'autre camp. Sur des blogs, des apprentis journalistes racontent et illustrent de l'intérieur l'évolution de la lutte au sein de leur fac et lycée. Ils informent, débattent, transmettent des informations. Il y a un souffle évident, saisissant. Le 7 mars, au lendemain de l'adoption du projet de loi par le Sénat, ils sont près d'1 million à manifester contre le contrat première embauche. À Paris, la journaliste Alexandra Ben Saïd se fond dans les rangs des manifestants et va à la rencontre d'une jeune militante et du président du NEF de l'époque, Bruno Julliard. Résistance à ceux qui ont la besoin du travail. La jeunesse répond. Résistance. On enlève l'espoir aux jeunes. de pouvoir avoir un emploi stable avec des droits, et on nous enlève tout ce que les gens, tout ce que nos parents, nos grands-parents ont gagné depuis un siècle. Je veux dire, on vient au 19e siècle, c'est de la folie. On balaye complètement le droit du travail. Et ouais, effectivement, il n'y a plus d'espoir parce qu'on se dit, voilà, si je suis embauchée, mais que pendant 2 ans, je ne sais pas ce que je vais faire le mois d'après, et bien effectivement, ça pose problème à l'heure actuelle. La question aujourd'hui, c'est plus est-ce que nous, on va continuer, mais c'est est-ce que le Premier ministre va continuer son entêtement à vouloir imposer son projet contre une majorité de la population qui descend maintenant dans la rue. Vous savez, le Premier ministre dit « Moi, je suis inflexible, je ne retirerai pas mon projet ». Mais nous, ce qu'on sait, c'est que nos troupes, elles sont encore flexibles et qu'elles peuvent être encore beaucoup plus grandes. Et au final, il devra reculer. C'est le premier tournant de la mobilisation. En un mois, les rangs des manifestants ont doublé. Ce jour-là, on assiste aussi aux premières heures avec les forces de l'ordre en fin de cortège. Dominique de Villepin, comme ses ministres, dont celui de l'Éducation nationale, Gilles de Robien, reste inflexible et, dans un déni de réalité, minimise la poussée de la mobilisation. Pourtant, la lutte se radicalise. Le 8 mars, l'Assemblée générale des étudiants de la Sorbonne vote l'occupation de l'université. Il y a des lieux, parfois chargés d'histoire, de légendes et d'images, dont dirigeants et étudiants connaissent l'un comme l'autre l'impact. Des grèves étudiantes du Moyen-Âge au fracas des pavés de mai 68, ici à la Sorbonne, on enseigne l'histoire dans le lieu même où elle s'est écrite. Alors, dans chaque camp, on espère faire basculer le symbole du bon côté de la barricade. Après une première nuit sur place, la faculté est fermée administrativement, elle est gardée par les forces de l'ordre. En fin de journée du 9 mars, après un rassemblement en place de l'Étoile, une manifestation se termine sur la place qui jouxte l'université. Le lendemain, le 10 mars, au début de l'après-midi, des étudiants des facultés parisiennes décident de rejoindre la Sorbonne pour demander sa réouverture. Dans les rues du quartier latin, un seul slogan. Les gendarmes mobiles et CRS sont là, fin prêt, devant la porte principale et autour de la fac. Mais le cortège arrive à contourner les barrages et à s'introduire rue Saint-Jacques, l'une des rues qui entoure la Sorbonne. C'est là que pendant quelques minutes, des centaines d'étudiants pénètrent par une fenêtre ou par des échafaudages dans l'université pour y rejoindre ceux qui l'occupent depuis 2 jours. Alors que dans la rue, la police charge le reste du cortège, à l'intérieur, les étudiants découvrent le lieu. Parmi ses occupants, il y a des jeunes et des moins jeunes, des journalistes et un élu de la République. Sans savoir vraiment comment il a pu intégrer les lieux, un sénateur socialiste s'invite dans cette occupation. Cet homme, c'est Jean-Luc Mélenchon, qui n'a pas encore claqué la porte du PS. Il souhaite prendre la parole pour proposer ses services. La discussion sera de courte durée. On sait qu'on n'obtiendra pas énormément de choses, mais personnellement, s'il est prêt à se matraquer avec nous, s'il est prêt à passer la nuit ici, à prouver qu'il est d'accord, eh ben qu'il le fasse. Mais qu'il le fasse. Moi, j'ai autre chose à dire, c'est qu'on savait tous en venant ici qu'on n'avait pas les mêmes idées politiques. Donc maintenant, les gens, ils n'ont pas les mêmes moyens d'action. Il y en a qui n'ont pas envie de voir un homme politique entrer ici, et ils ont raison. Et il y en a qui veulent entendre parler, et ils ont raison aussi. Donc maintenant, tout ce que j'ai à dire, c'est que chacun exprime ce qu'il a envie et que les hommes politiques, dehors, on n'a pas besoin d'eux. Le Parti Socialiste, comme les autres partis, n'a pas toujours bonne presse à l'intérieur des facs, surtout quand elles sont occupées. Depuis un mois, la mobilisation s'émancipe des appareils politiques. Tous luttent pour le retrait du CPE, mais chacun imagine et met en place ses propres moyens d'action. Ce soir-là, autour de la Sorbonne, c'est dans la violence que le combat se poursuit. Les CRS chargent, les manifestants ripostent, ou inversement. Peu à peu, la place de la Sorbonne se vide. Et vers 4h du matin, c'est l'université qui est évacuée manu militari. Le lendemain, les images de violence et de l'évacuation font la une de tous les journaux. Désormais, l'angoisse du lendemain a changé de camp. justice nulle part. Police partout. La Sorbonne est fermée depuis vendredi. Mauvaise décision, parce que la Sorbonne, une fac ouverte, c'est une fac où il peut y avoir des dialogues, où il peut y avoir des discussions. Une fac fermée, c'est une fac qui, autour, génère ce que vous voyez là actuellement. De manière, s'il y a eu une radicalisation ou de l'extrémisme à un moment donné, c'est premièrement dû au fait du gouvernement qui a voulu camper sur ses positions et qui a envoyé la police au lieu d'envoyer... Au lieu de retirer le CPE et envoyer la police pour déloger les personnes. Ça fait plus d'un mois qu'on est mobilisés. Il n'y a aucun dialogue jusqu'ici. Il n'y a aucun dialogue. Plus ça avance, plus le gouvernement reste campé sur ses positions. Quartier Latin à Paris. Depuis l'évacuation de la Sorbonne, la faculté est fermée et cernée par les forces de l'ordre. Chaque soir, des rassemblements ont lieu et se finissent dans le fracas des fumigènes et des barricades éphémères. Dès le 12 mars, le Premier ministre souhaite reprendre la main. Lors d'une intervention 20h de TF1, il promet que le CPE s'appliquera, mais il affirme être désormais ouvert aux négociations pour trouver de nouvelles garanties avec les partenaires sociaux. Après avoir annoncé cette mesure sans concertation, après l'avoir fait adopter par le 49-3, le Premier ministre souhaite maintenant le dialogue. Un cas emblématique d'incohérence gouvernementale. Sauf que désormais, les négociations se déroulent presque en direct à la télé ou à la radio lors d'émissions de débat où l'on invite un ministre ou deux, des représentants syndicaux et des opposants politiques. C'est le cas ce soir du 16 mars 2006 sur le plateau d'À vous de juger. Pendant 2 heures, tous les sujets sont abordés, du projet de loi à la méthode, de la mobilisation et de ses moyens d'action. Côté gouvernement, Gilles de Robien, ministre de l'Éducation, et Valérie Pécresse, porte-parole, promettent aux étudiants présents la main sur le cœur, de nouvelles garanties et le début de négociations. Puis ils pointent les violences lors des manifestations et demandent aux assemblées générales de respecter la liberté d'étudier des étudiants non grévistes. Et pour Martine Aubry, ancienne ministre du Travail, le sujet est tout autre. Le vrai sujet, c'est quoi? C'est une société où on dit aux jeunes, vous êtes des charges, vous n'êtes pas compétents, quand vous n'êtes pas paresseux ou des voyous. Bon, qu'est-ce qu'ils nous disent, eux, les jeunes? Nous, on veut une société moins individualiste. On veut une société où on puisse mettre nos compétences, notre énergie, notre innovation. Et quand on regarde d'ailleurs leurs valeurs, c'est la famille, le travail, les amis. Voilà. Et qu'est-ce qu'on répond aujourd'hui? On répond par un CPE qui est le concentré de la politique libérale du gouvernement. On livre des jeunes sans aucun droit, notamment sur le licenciement, c'est quand même incroyable. Il n'y a pas un pays développé qui a fait ça aux entreprises. Et on leur dit, estimez-vous contents. Demain, on va presque leur demander de payer pour aller travailler dans une entreprise. Voilà ce qu'on est en train de leur dire. Donc, on ne parle pas de la jeunesse, si ce n'est pour la montrer du doigt. Et quand on fait quelque chose pour elle, on la stigmatise et on la traite comme si elle n'existait pas, comme s'ils n'étaient pas des citoyens. Le lendemain, tout le quartier de la Sorbonne est bouclé. Les forces de l'ordre installent des murs anti-émeutes et ferment tout accès à la place et à la rue des écoles. À l'Élysée, on s'inquiète désormais. Le président Chirac connaît les dangers et les forces d'une mobilisation de la jeunesse. En 1968, il était secrétaire d'État aux affaires sociales du gouvernement Pompidou. En 1986, il est à Matignon quand Malik Oussekine meurt sous les coups des voltigeurs de la police pendant le mouvement contre la loi Devaquet. 10 ans plus tard, c'est avec le sourire, sans doute, qu'il verra son futur adversaire, Édouard Balladur, se casser les dents avec son SMIC jeune. En 2006, un autre homme est dans la même situation que Jacques Chirac en 1994, c'est le ministre de l'Intérieur, Nicolas Sarkozy. Depuis des mois, il ne pense qu'à la présidentielle de 2007 et pas qu'en se rasant. Il lui faut donc écarter Dominique de Villepin de son chemin. Alors, cette mobilisation tombe à pic. Solidaire d'abord, il s'éloigne peu à peu, puis marque sa différence. Le 22 mars, après une nouvelle journée de mobilisation qui rassemble près de 1,5 million de manifestants, Nicolas Sarkozy propose dans les pages de Paris Match une période d'expérimentation de 6 mois pour le CPE, histoire de sortir de l'impasse. 2 jours plus tard, le 24 mars, les 5 confédérations syndicales sont reçues à Matignon. Malgré les discours d'ouverture, le Premier ministre refuse tout compromis et espère que le mouvement s'essoufflera avant lui. Le lendemain, ce sont les représentants de l'UNEF, la Confédération étudiante et des lycéens de l'UNL, qui refusent de rencontrer le Premier ministre tant que le projet de CPE n'est pas retiré. Le même week-end, des représentants de 86 universités et établissements d'enseignement supérieur mobilisés contre la réforme se retrouvent à Aix-en-Provence. La Coordination nationale étudiante est la seconde tête pensante de la mobilisation des facultés. Chaque semaine, des représentants de chaque fac sont élus et envoyés sur le lieu du Rassemblement national. Ensemble, ils mettent en avant les réussites et les difficultés de leur mobilisation, font remonter les revendications votées en AG et décident des prochaines dates et lieux d'action. C'est ainsi que deux calendriers s'organisent durant plusieurs semaines. Celui des journées de mobilisation nationale et interprofessionnelle et celui des journées d'action qui se résument souvent à un sit-in, un rassemblement devant une préfecture, un tractage dans les agences ANPE ou le blocage d'un axe routier ou ferroviaire. Manifestation après manifestation, les chiffres gonflent jusqu'à atteindre le 28 mars le chiffre record de 3 millions de personnes. Deux jours plus tard, le 30 mars, après un recours des parlementaires PS, le Conseil constitutionnel statue sur la loi dite égalité des chances. Il la valide avec son article 8, oui, qui instaure le CPE. Désormais, la balle est dans le camp du président de la République. Alors, va-t-il promulguer la loi de son premier ministre ou entendre la rue qui gronde ? Le 31 mars, à 20h, le président prend la parole en direct de l'Élysée. Mes chers compatriotes, depuis plusieurs semaines, des interrogations, des appréhensions, des critiques se sont élevées autour du contrat première embauche. Le Parlement, les élus de la nation, ont voté la loi sur l'égalité des chances et le Conseil constitutionnel vient de juger cette loi en tout point conforme aux principes et aux valeurs de la République. C'est pourquoi j'ai décidé de promulguer cette loi, mais aussi parce que je pense que le contrat première embauche peut être un instrument efficace pour l'emploi. Dès la fin de son discours, sur les lieux de rassemblement où l'on suivait en direct l'intervention du chef de l'État, c'est l'incompréhension. La bataille n'est donc pas terminée. Alors, un peu partout en France, durant cette soirée du 31 mars, des manifestations sauvages envahissent les rues. À Paris, elles durent toute la nuit. Partie de Bastille, elle rejoint la Sorbonne par la rue de Rivoli. Après quelques heures devant l'université, c'est vers l'Assemblée, par les quais, que le cortège se dirige. Pendant des heures, CRS et manifestants jouent au chat et à la souris dans les rues de la capitale. Après l'Assemblée, le cortège bloque la place de l'Opéra, puis remonte vers le nord pour atteindre le Sacré-Cœur. La cavalcade se termine au petit matin, gare du Nord. Le 4 avril, nouveau préavis de grève déclenché par les syndicats, nouveau succès. 32 villes vivent des débrayages dans les transports publics, 40% des écoles primaires sont touchées, 114 établissements d'enseignement supérieur et des lycées sont toujours mobilisés. Et dans la rue, ils sont encore 3 millions à défiler dans toute la France. Le pouvoir chavire. Après une nouvelle journée d'action coup de poing, l'UMP reçoit les syndicats pour mettre fin à la crise. Le 10 avril, Dominique de Villepin rend les armes. Les conditions nécessaires de confiance et de sérénité ne sont réunies ni du côté des jeunes, ni du côté des entreprises. Pour permettre l'application du contrat première embauche, j'ai proposé au président de la République, qui l'a accepté, le remplacement de l'article 8 de la loi sur l'égalité des chances par des mesures en faveur de l'insertion professionnelle des jeunes les plus en difficulté. Le 10 avril 2006, le CPE est mort, mais la loi dite d'égalité des chances est toujours d'actualité. Pendant quelques jours, certains étudiants tenteront de poursuivre ce combat, mais après 3 mois de grève, c'est désormais aux examens que la plupart d'entre eux pensent. Les facs rouvrent, les calendriers sont aménagés comme les enseignements. L'incendie est maîtrisé. Après les émeutes de banlieue, la mobilisation contre le CPE a mis une nouvelle fois en lumière une génération, celle de la précarité, celle qui voit s'éloigner toujours plus la date de son indépendance financière et familiale. 10 ans après, que sont-ils devenus ? Leur a-t-on fait une place au sein de notre société ? Et surtout, les jeunes d'aujourd'hui vivent-ils mieux qu'il y a 10 ans ? On m'appelle pas, on m'invite pas dans les soirées. Watcha, je dois pas sentir comme il faudrait. L'argent et le succès, et ça me vexe, et ça me vexe, et ça me vexe, et ça me vexe. Ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah de combat. Avec ça, vous ne ferez pas le poids. J'ai payé quand même un peu cher pour un truc qui laisse dans la galère. J'ai changé plein de fois de messagerie, mais personne m'a encore dit oui. On t'appellera, t'inquiète pas, si ça nous plaît. Ouais, ouais, c'est ça, je dois pas sentir comme il faudrait. L'argent et le succès, ça me vexe, et ça me vexe, et ça me vexe, et ça me vexe. Ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah. Bla bla bla bla, si ça nous plaît. Ouais ouais c'est ça, je dois pas sentir comme il faudrait. Le money et le succès, et ça me vexe, et ça me vexe, et ça me vexe, et ça me vexe. On m'invite pas dans les soirées, ouais. Tant pis pour toi. Ah, ah, ah, ah, ah. France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, l'affaire du CPE, notre invité, c'est Bruno Julliard. Bonjour. Bonjour. Alors, on vous a cité plusieurs fois dans ce récit, car vous êtes l'ancien président de l'UNEF, l'un des leaders du combat contre le CPE. Vous êtes aujourd'hui premier adjoint à la mairie de Paris et chargé de la culture, c'est bien cela. Alors, absolument. On a vu au début du récit, la lutte contre le CPE, elle commence par une conférence de presse du Premier ministre, où il annonce sa solution. Il a l'air assez confiant d'ailleurs ce jour-là, pour lutter contre le chômage. Et donc, il annonce un nouveau contrat de travail pour les jeunes de moins de 26 ans. Or, dès cette annonce, des voix s'opposent et s'élèvent, à gauche bien sûr, c'est naturel, mais aussi au centre, donc à droite, François Bayrou. Comment s'est organisée de votre côté, pour le coup, la réponse étudiante et la réponse syndicale? Qu'est-ce qui, on sait ce qui a allumé la mèche, mais comment a-t-elle été allumée? Alors, d'abord, nous étions tous très surpris de cette annonce. Nous avions eu quelques échanges auparavant avec le gouvernement, pas tellement Matignon et Dominique de Villepin, mais plutôt Gilles de Robien, qui était alors ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur. Et rien ne laissait entendre que dans la loi Égalité des chances, il y allait avoir cet article, le fameux article 8 sur le contrat première embauche. Donc c'est d'abord une très grosse surprise lors de cette fameuse conférence de presse. Puis, dès l'annonce, finalement, c'est allé très vite, puisque je me souviens, moi j'étais à l'époque tout jeune président de l'UNEF, depuis quelques mois seulement, j'avais uniquement 24 ans, et j'ai pris contact avec les secrétaires généraux de ce qu'on appelait à l'époque les grands syndicats, c'est-à-dire les syndicats de travailleurs, de salariés, donc les grandes confédérations. Et nous sommes convenus de nous retrouver dans une intersyndicale quelques jours après l'annonce du contrat première embauche. Et honnêtement, pendant ces quelques premiers jours, nous ne pensions pas en notre capacité de mobilisation, en tout cas une mobilisation suffisante pour faire reculer le gouvernement. Mais même avec cette alliance, parce qu'on sait que les alliances d'étudiants et du monde du travail, hein, par la voix de leurs syndicats, ça donne des choses efficaces. Ça peut donner des choses efficaces. Et oui, mais à l'époque, d'abord, il n'y en a pas eu depuis très longtemps. Ouais. Il n'y a pas eu de mouvement social en 2006. Ça s'est remonté à 10 ans avant. Exactement. 86. Exactement. Depuis un bon nombre d'années, même plus 20 ans avant. Et pour oui, 20 ans, oui, ça fait 20 ans. Et donc une forte mobilisation de jeunesse qui aboutit à une victoire. Moi, je suis né en 1981, et donc pour toute ma génération qui est encore étudiante à ce moment-là, nous n'en avons pas connu. Et à peine nos grands frères. Et puis surtout, ce qui est vrai, c'est que nous espérons que l'unité syndicale, à la fois des étudiants par leurs syndicats, mais aussi, et c'est encore plus important, avec les organisations syndicales de salariés, donc les grandes confédérations, on est convaincu que c'est que la clé de la réussite, elle est dans cette alliance et dans cette unité. Mais en même temps, il faut se souvenir que nous sommes quelques années après le mouvement de contre les la loi réformant les retraites de Juppé, quelques années auparavant, et la division syndicale chez les salariés est quand même très forte. Et on se demande si nous, jeunes, simples étudiants, est-ce que nous arriverons à convaincre de cette unité syndicale. Et qu'est-ce qui vous pousse, qu'est-ce qui vous dit à un moment ça va marcher? Il y a une étincelle, il y a quelque chose, il y a un fait précis? Oui, d'abord, on sent que lors de cette première réunion intersyndicale, on sent qu'il y a une volonté unanimement partagée de faire échec au contrat première embauche. Parce que la méthode, au-delà du fond, très contestable du contrat première embauche, même inadmissible, la méthode elle-même était absolument insupportable, y compris pour les syndicats dits réformistes, c'est-à-dire la CFDT, qui ne déteste rien de plus que de ne pas avoir été associé à l'annonce d'une mesure. Et là, c'était le cas, puisque à l'époque, Chérec l'avait appris par la presse, au moment de cette conférence de presse. Donc on sent qu'il y a une volonté unanime de faire échec au CPE. Mais personnellement, le moment où vraiment nous nous disons que ce mouvement va prendre de l'ampleur, c'est lors d'une des toutes premières mobilisations, je crois que c'est le 7 février 2006, si ma mémoire est bonne. Et là, on sent que, alors même que nous sommes dans des vacances d'hiver de février, qu'il faut s'en souvenir, à l'époque, les sondages nous sont très défavorables, puisqu'il y a un chômage de masse qui frappe les jeunes, donc les gens se disent « pourquoi pas essayer ?» Et même beaucoup de jeunes se disent ça, « pourquoi pas essayer le CPE après tout ?» On n'a pas tout tenté. Et en même temps, on se rend compte que dès cette première journée de mobilisation, il y a vraiment beaucoup d'étudiants, beaucoup de jeunes dans la rue, plus une unité syndicale qui a l'air de tenir, et donc là, on se dit que ça vaut le coup de mener une bataille longue. Est-ce que la méthode politique, législative, mécanique, du 49-3, vous a choqué aussi. En même temps, peut-être que sans la mobilisation après le 49-3, ça serait passé. Et ça pose aussi d'ailleurs la question du 49-3, parce qu'ils ont essayé de le passer en force. Oui, ça a évidemment eu un effet un peu d'électrochoc. On avait déjà le sentiment d'une sorte de déni de démocratie avec un texte, le contrat première embauche, qui n'avait été négocié avec personne, qui était imposé au dernier moment dans une loi dite égalité des chances. Ce qui n'était pas le premier du genre, quand même. Ce qui n'était pas le premier du genre. Parce qu'en France, on fait contrairement à ce que font les Allemands, on impose, on discute après. Hein. Absolument. Les faits récents le démontrent d'ailleurs. Ouais. Les faits récents le démontrent à nouveau. On va en parler. Comme si ça ne suffisait pas. Par ailleurs, dans la procédure parlementaire, il y a effectivement l'utilisation de ce 49-3. Je me souviens d'ailleurs qu'à l'époque, nous avions eu quelques échanges avec les secrétaires des grandes confédérations, que en tant que président de l'UNEF, j'avais au téléphone quasiment tous les jours. J'étais très impressionné à l'époque. Et je me souviens qu'ils me disaient, quasi tous, ils n'oseront pas. Ils ne feront pas cette erreur du 49-3 parce que ça serait rajouter encore un peu de conflit dans une situation qui est déjà très conflictuelle. Et puis finalement, ils l'ont fait, y compris parce que souvenons-nous aussi que, y compris à droite, dans les parlementaires, et vous avez cité les parlementaires centristes de l'UDF à l'époque, mais il y avait aussi des parlementaires de ce qui était encore l'UMP, certains nous envoyaient quelques signaux démontrant qu'ils ne partageaient pas complètement le contenu du contrat première embauche. Alors, vous faisiez face aussi à un pouvoir, je ne sais pas si à 24 ans, vous aussi d'ailleurs, vous avez évidemment une conscience politique, mais si vous avez une lecture aussi claire, mais vous faisiez face à un pouvoir qui était miné de l'intérieur, hein, avec une énorme rivalité entre les sarkozystes et les chiraciens. D'ailleurs, Nicolas Sarkozy intervient en proposant une autre mesure. Hein, s'il avait pu régler le problème, lui, ça lui aurait bien plu, comme pour les banlieues d'ailleurs, il en est avant la présidentielle. Il vous a appelé, non? Est-ce qu'il vous a appelé? Oui, il m'a appelé pendant la mobilisation, dans mon souvenir, à deux reprises. Et notamment, la première fois, je me souviens plus de la date, pour être honnête, mais c'était assez tôt dans la mobilisation. Et il m'appelle pour me dire que nous avions des contacts à ce moment-là avec ses services, le ministère de l'Intérieur, parce que nous avions énormément de craintes quant à la sécurité des manifestations. Et quand il demande un jour à me parler, je pensais que c'était pour me parler de la sécurité dans les manifestations. Donc évidemment, je le prends au téléphone. Nous parlons d'abord des conditions de sécurité des manifestations, notamment je me souviens d'un parcours de manifestation dans Paris. Nous n'étions vraiment pas satisfaits d'un parcours qui nous avait été imposé par la préfecture de police, considérant sa fin était trop dangereuse. Bref, on a ces quelques secondes d'échange, mais l'essentiel en fait de son coup de fil, c'était pour me faire passer le message que lui était favorable au retrait du contrat première embauche. Et je me souviens d'ailleurs de cette formule, il m'a dit « Personnellement, je ferai tout pour obtenir le retrait ». C'était évidemment pas du tout sa position publique à l'époque, et on ne pouvait pas traduire ce message par autre chose qu'un signe d'encouragement. Et alors, c'était à la fois pour nous satisfaisant, dans le sens où on pouvait considérer que la majorité était en train de se fracturer et que nous allions peut-être obtenir gain de cause. Et puis en même temps, nous avions un peu le sentiment d'être l'otage... Manipulé un peu. Exactement, l'otage d'une bataille fratricide à droite. Et probablement que la raison pour laquelle Dominique de Villepin, lui, ne cédait rien, c'était justement cette rivalité avec Nicolas Sarkozy, parce que il voulait absolument arriver au bout pour gagner contre Nicolas Sarkozy. Ce sentiment d'être l'otage des rivalités internes à la droite, nous l'avons eu jusqu'au bout. Alors, tout cela a des résonances particulièrement saisissantes avec ce qui se passe aujourd'hui, évidemment. Parce que c'est un projet de loi, travail encore, porté par la ministre du Travail, c'est normal, et de l'Emploi, qui est source de débats et de mobilisation. Alors je vous propose d'écouter un reportage d'Anaël Verzo, qui est allé à la rencontre des manifestants contre le projet de loi travail de ce gouvernement-là. Elle a assisté à une assemblée générale à l'université Paris 7 de Jussieu, et elle s'est rendue dans une manif à Paris, c'était... les 16 et 17 mars dernier. L'amphi se remplit. Là, il y a les étudiants qui cherchent des personnes pour la tribune. Il y a des petits gâteaux sur la gauche à l'entrée, avec une pancarte « Soutenez la lutte contre la loi travail ». Un autre panneau sur la droite « Je travaille, tu travailles, on travaille, nous travaillons, vous travaillez, elle, il profite ». Majoration des heures supplémentaires, aujourd'hui plus 25%, demain plus 10%. Demain, grâce à la loi travail, découvrez les joies du plan social sans les difficultés économiques. Donc, dans un premier temps, ce qu'on voulait faire, c'était faire un point sur le rôle de la tribune. Bon, aujourd'hui, il y a très peu d'étudiants de licence, voire presque pas, alors qu'ils sont quand même la majorité des étudiants à l'UPMC. Ce serait bien, même pas forcément pour les mobiliser, mais au moins qu'ils soient informés. Il y en a beaucoup qui ne savent même pas le contenu de la loi. Si on va voir des gens qui viennent aux manifs, qui se bougent, il faut déjà qu'ils sachent ce que c'est. Donc voilà, ce serait pas mal, je pense, si on peut avoir une table qui soit là en permanence, en fait, toute la journée, avec des gens qui se relaient, en essayant de, voilà, de passer le message, on va dire, de la façon la plus douce possible, pas de les agresser, parce que je vois même ce matin, je vais donner un petit coup de main pour les tracts. Il y a beaucoup de gens qui essayent de passer le plus vite possible parce qu'on vient encore les faire chier le matin. Bon, ouais. Voilà, juste de proposer un endroit où les gens puissent juste venir s'informer sur ce qui est proposé par les gens. Bonjour, je m'appelle Yessine, je suis personnel CNRS. Il y a 10 ans, j'étais étudiant et puis participant au mouvement anti-CPE. Donc, je peux vous dire un petit peu le type d'action qu'on avait fait à l'époque, j'étais à Orsay. Un truc qui marche très bien, c'est qu'on venait à 10 ou 15 dans un amphi pendant le cours. On dit un petit coucou au prof, et puis on prend la parole et on dit aux étudiants, par exemple, le matin de la manif, on dit, vous venez tous une heure avant le départ de la manif devant l'université pour un départ groupé. C'est ce genre de truc, ou même dans les salles de TD, du moment qu'on est assez nombreux, ça marche très bien. Manifestation, c'est le 17 mars, manifestation contre la loi El Khomri, et là il y a des pancartes de lycéens. Hollande, arrête tes conneries, séparation du MEDEF et de l'État. Oh, parfait. On est lycéens au lycée Redin, moi je suis en seconde. Et alors je vous ai repéré parce que vous avez une pancarte, c'était joli, c'est la nuit c'est pour baiser, pas pour travailler, hashtag on vaut mieux que ça. C'est ça. En fait, on manifeste parce qu'on revient en fait sur le code du travail que vous avez déjà établi. En fait, cette fois, c'est une régression. C'est ta première manif ou pas ? Non, absolument pas. J'en ai déjà fait une déjà la semaine dernière. Et puis, j'ai déjà fait d'autres manifs, notamment par exemple pour le mariage pour tous et contre l'état d'urgence. Est-ce que tu as le souvenir ou est-ce qu'on t'a parlé du CPE, du contrat première embauche et des manifestations importantes qu'il y avait eu il y a 10 ans exactement ? C'était des manifs, des lycéens, des étudiants aussi. Et c'était assez proche des manifs qu'il y a en ce moment. Oui, bien sûr, on a parlé. C'est Copé qui a lancé ça. C'est De Villepin. Dominique de Villepin, il était Premier ministre. Désolé, je me trompe. Oui, on a parlé, on a souvent comparé d'ailleurs cette manifestation-là avec celle du CPE. Et que ce soit par Internet ou justement, il y a plein d'articles que j'ai vus qui comparaient ces deux lois-là. Et au final, c'est un peu la même tentative, je trouve. Et en fait, ce qui s'était passé, c'est qu'il y avait eu les jeunes des quartiers qui étaient venus aussi. Et du coup, il y avait eu deux forces, quoi. Il y avait eu les jeunes d'ici et puis les jeunes des quartiers. Puis finalement, ça avait fait un grand mouvement. Et du coup, de Villepin avait retiré ce projet de loi. Tu penses que là, ça peut faire pareil ? On espère, en tout cas. On sait qu'il y a une majorité de personnes, je pense aussi d'ailleurs dans les députés, dans les personnes qui votent les lois, qui sont contre cette loi. Et en fait, on manifeste, mais je pense honnêtement que de toute façon, elle passera pas. Aucune hésitation. Non, à la loi du patron. Oui, à la révolution. Comment vous appelez ? Marius. T'as quel âge, Marius ? 15 ans. T'as déjà entendu parler du CPE, le contrat première embauche et des mobilisations qu'il y avait eu il y a 10 ans ? Oui, bien sûr. Ah, tu dis bien sûr, parce que c'est pas forcément évident. Ah bah, pour moi c'est quelque chose d'évident parce que je me renseigne sur l'actualité, je m'intéresse à ce qui s'est passé aux événements. Par exemple, là j'ai lu la loi El Khomri en entier. Pour moi, Est-ce que tu fais un lien entre les mouvements qu'il y avait eu il y a 10 ans justement et celui-ci ? Moi, je n'en fais pas. Le point particulier de ce mouvement-là, c'est que c'est vraiment un gouvernement de gauche qui est au pouvoir. Comment tu vois ton avenir ? Je le vois assez précaire, assez instable et pas forcément très joyeux. Bruno Julliard, le slogan « Séparation du MEDEF et de l'État » vous a bien fait rire. C'est assez créatif, oui, il a beaucoup fait rire. C'est assez bien vu. Bon, alors, contre ce projet, la mobilisation a pris forme grâce au lancement d'une pétition intitulée « Loi travail, non merci », qui a récolté à ce jour près de 1 280 000 signatures. Et parmi les lanceurs d'alerte contre ce projet de loi du gouvernement actuel, on voit Caroline de Haas, ancienne trésorière de l'UNEF, Karl Stocker, ancien leader de l'Union nationale lycéenne. Bon, il y a évidemment une résonance incroyable sur le fond. Comment vous la voyez, cette résonance, vous, entre ce combat entre le CPE, son esprit, le combat contre le CPE, et puis la loi travail, son esprit, et le combat contre elle? Je dirais que il y a évidemment des différences de contenu. Le contrat première embauche était un sous-contrat de travail destiné à une population particulière, c'est-à-dire jeune, moins de 26 ans, ce qui n'est pas le cas de la loi travail, qui a une vocation universelle. En revanche, il y a des liens de parenté idéologiques incontestables, c'est-à-dire le présupposé que la meilleure façon de lutter contre le chômage de masse, et particulièrement contre le chômage qui frappe la jeunesse, c'est en donnant des coups de canif au code du travail, considérant que la sécurité des travailleurs, notamment des jeunes salariés, est un frein à l'emploi. C'est un constat avec lequel, personnellement, je ne suis pas du tout d'accord. Et je trouve plutôt sain, contrairement à ce que j'entends beaucoup de la part de certains observateurs, je trouve plutôt sain que la jeunesse retrouve en elle-même des forces pour se mobiliser et pour refuser un ordre injuste qu'on souhaite lui imposer. On peut être d'accord, on peut être pas d'accord avec l'endroit où le gouvernement a placé le curseur quant à ce qui est la flexibilité et la sécurité. Je pense qu'il y a encore un peu de travail à faire au bénéfice de la sécurité. En revanche, je crois qu'au-delà du contenu et du CPE il y a 10 ans et aujourd'hui de la loi travail, au-delà de ce rejet de ces mesures, je crois que ce qui s'exprime aussi, c'est peut-être une défiance des jeunes générations, de la jeunesse, étudiante ou lycéenne, scolarisée ou non scolarisée, quant au sort qui lui est réservé dans notre société. C'était très présent déjà il y a 10 ans, absolument. Au-delà du CPE. Absolument. Une jeunesse se mobilisait pour dire je ne me sens pas reconnu, je ne me sens pas valorisé dans cette société. Je ressens quand même aujourd'hui, dans les messages et les slogans que vous avez diffusés à l'instant, je ressens un lien de parenté évident. Alors, il y a quelque chose qui est troublant, quand même, et encore plus troublant. Quand il s'agissait de lutter contre un gouvernement d'inspiration libérale, on était dans une certaine logique. Séparation du MEDEF et de l'État, on l'aurait très bien entendu contre un gouvernement de droite. On l'entend contre un gouvernement de gauche. Là aussi, il y a une perte de repères qui ne doit pas être facile à vivre pour les jeunes. Et les moins jeunes d'ailleurs. Et c'est vous. Ce que j'allais vous dire. Et moi j'arrive au troisième temps de la valse de la question, et vous? C'est une situation qui effectivement n'est pas simple à vivre pour bon nombre de jeunes, dont je crois pour beaucoup le cœur bat à gauche. C'est une situation qui n'est pas non plus simple pour bon nombre de militants de gauche, qu'ils soient socialistes ou non, mais qui considèrent que l'histoire de notre famille politique, les valeurs que nous voulons défendre, le modèle de société auquel nous aspirons, que nous souhaitions construire, ça ne répond pas tout à fait à c'est le moins qu'on puisse dire, à l'inspiration libérale de cette loi. Mais je note tout de même que, manifestement, le gouvernement l'a en partie entendu, puisque les éléments les plus libéraux, les plus négatifs de la première version de la loi travail ont été retirés. Il y a encore du travail à faire, mais je pense que c'est bien la démonstration que l'inspiration même de cette loi n'était pas la bonne. Mais je vous confirme que ça n'est pas particulièrement agréable pour bon nombre de militants socialistes que de voir sa famille politique porter ce type de loi. Je rappelle que vous avez signé avec Martine Aubry la tribune Sortir de l'impasse, hein ? Absolument, oui. Bah, comment on sort de l'impasse ? Est-ce que on peut se dire qu'un an c'est suffisant ou il est déjà trop tard pour ce gouvernement-là ? La raison pour laquelle j'ai signé cette tribune après que Martine Aubry me l'a proposée, c'est d'abord parce qu'effectivement, la première version de la loi travail telle que publiquement présentée était pour moi inacceptable. C'est ça. Au-delà de mon parcours personnel et de la mobilisation contre le CPE, une des raisons de mon engagement, d'abord dans le syndicalisme, puis ensuite en politique, c'est une aspiration à plus d'égalité, plus de justice sociale, à l'émancipation de tous, quelles que soient les origines sociales, géographiques des individus. Et puis, cette loi travail, elle s'ajoute à quelques déclarations récentes ou quelques décisions récentes, la déchéance de nationalité, qui pour moi n'est pas acceptable, ou encore le discours du Premier ministre à Munich sur les réfugiés, autant de sujets où je trouve que la gauche n'est pas au rendez-vous de l'histoire, et en tout cas n'est pas au rendez-vous de son histoire, et n'est pas fidèle à ses valeurs. Et donc, on se pose toujours la question de savoir où est-ce qu'on est le plus utile. Est-ce qu'on est utile en étant loyal, fidèle à son parti, à son gouvernement, discipliné, je crois aussi en la discipline. Mmh. Et puis parfois, on se dit que peut-être on sera plus utile en faisant état d'un désaccord, lorsque ce désaccord est suffisamment profond pour qu'il soit sur la place publique et puis qu'on lance finalement un peu une alerte en disant « il n'est pas trop tard pour engager peut-être un autre chemin ». Bruno Julliard et d'autres forces de gauche égale lanceur d'alerte. C'est une façon moderne de faire de la politique. Merci, Bruno Julliard. Merci infiniment. Merci à vous. Au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, le CPE, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles. Demain, en partenariat avec le journal Libération, nous reviendrons sur le génocide du Rwanda en avril 1994.